ciel de ton poulet, et tes yeux et tes lèvres qui me font partie psyché tout comme dans un rêve. Ma voix se lève, et toi aussi, toute la nuit, tu m'as fait aimer la vie. Je regarde ton œsophage, je caresse tes tatouages, et tu ouvres tes grands yeux. Je me croirais dans une chanson écrite pour toi, de Claude François, et ça ferait oh. Une autre route, jamais je ne t'oublierai. Dans le ciel de ton poulet, Yolène, Sarah ou Mélissa, elles sont loin, si loin d'ici quand tu chantes pour moi cette chanson-là. Et ça fait rire. Mes chansons sont faciles, mais moi je m'en fiche car tu es dans mes bras. Je veux juste t'allonger au creux de mon canapé et faire du creux de ton cou mon templier.